again. Too much alcohol for just one man. Voices in the diner grow louder and louder. The girl dressed in black is no longer by the counter. The guy telling jokes has also left the diner. I see the waiter's girl and the waiter is behind her. Time for me to split if you know what I mean. But it's raining outside. Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Espace, qu'on se le dise, c'est la plus funky des radios. Quand on écoute Columbus Circle, c'est forcément dans Funky Mix. L'émission numéro 1 sur le funk, Greg Perry arrive. Baiser, le groupe Baiser, comme un baiser. Très funky. Et là, c'est les Cool and the Gang. Et Espace. Funky Mix. Avec Manu. Manu on the mic. Everybody stand up and sing. And say I love you. Stand up and sing. Stand on up. Espace, le gars s'appelle Greg Perry. À l'époque, on se disait plutôt très ressemblant quand même à Barry White. Mais il a fait qu'un son ou deux. Le gars a disparu des radars. Quincy Jones, Gary's Gang. Quoi d'autre? Second Image, ce groupe anglais. Ça va être mixé tout ça, une petite brochette rien que pour vous, les Cool Notes. Et maintenant, c'est baiser avec Summer Breeze. Je vous emmène en 83 sur Espace. passe avec les Coon Lotz. Allez hop, c'est reparti pour un grand mix là, en non-stop, très funk. Les Jackson, Second Image, Garry's Gang et Quincy Jones. Let's funky mix. Funky mix. Let's go. forget all your years. Don't feel repressed. I'll help you to reform. I'm trying to help you go on. To be bizarre, you have to be a real prize fighter that you'll see. You have to have the will to go. Or be the star you'll never know. To be bizarre, you have to be sometimes reaching like the sea. Everybody wants to be a star. Yes, you're a star. Whenever they're around, let's celebrate this new star that we have found. Don't go away, it's here where you belong. I'm trying to help you go on. To be a star, you have to be a real prize fighter that you'll see. You have to have the will to go. Or be the star you'll never know. To be a star, you have to be. I've been checking out the scene. Everybody wants to be a star. Sure. c'était énorme. La grosse prod pour les Jackson avec Torture 1984. Donc, belle année. Mais alors que c'était vraiment une belle année. C'est maintenant le moment d'écouter T-Connection Unique pour l'année 83. Ça se passe maintenant sur Espace. Funky Mix. Funky Mix. La première émission dance classique. Funky Mix. This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. On Funky Mix. Funky Mix. The way they groove.

En 86 avec Brenda Kestar. C'est bon, hein, ça. Je remets ça très vite, hein, les sons de 86. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 28 octobre. Ce soir sur TF1, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Alors il faut aimer les hommes habillés en vinyle avec la poutre apparente, hein. Mais c'est plutôt pas mal et c'est un inédit. 23h50, on reste avec Batman, mais là seulement Begin. France 2, le monde ne suffit pas. Une fois encore, on va se taper un James Bond, hein. Mais attention les garçons, cette fois c'est du sérieux. Si tu veux voir Sophie Marceau toute nue, c'est le moment. Ah ouais, elle joue le rôle d'une James Bond girl, donc forcément, elle est à poil. France 3, les enquêtes. conquête de Vera toute la soirée. On n'est pas dans la violence, là. Elle est tranquille, pas de vagues, décontractée. Et vous voulez savoir quoi? Elle trouve quand même les méchants à la fin. Elle est trop forte. Canal, le match de foot où tu as plus de CRS en dehors du stade et dans le stade que de spectateurs. Marseille-PSG, je rappelle les règles de base. Hein. Inutile de s'envoyer des tessons de bouteilles à la figure. Inutile de se battre. On n'est que dans un match de foot. Installez-vous quelques neurones et vous devriez y arriver. 23h20, J+1, on débriefe tout le week-end ballon rond. Arte Thorn, un film policier de et avec Ben Affleck, hein, ça se passe à Boston. Il y a un gang de braqueurs, ils réussissent un coup et du coup, les flics vont essayer de les serrer. M6 Capital avec l'ami Julien Courbet qui cartonne et cartonne, sur place ou à emporter. Enquête sur les nouveaux rois de la restauration. Non, soyons précis, du prêt-à-manger. La restauration, c'est un métier noble avec des gens qui travaillent des produits. Rien à voir avec des trucs surgelés qui arrivent juste pour être chauffés. 23h15, Nanar de la Villardière est dans la téloche, enquête exclusive. Baby Mafia italienne, le nouveau visage de la terreur, c'est du nanar pur jus. Le meilleur de la TNT, un documentaire sur nos pauvres pommes. Ah ça, c'est pas facile de trouver des bonnes pommes, hein. Sauf si vous êtes comme moi et que vous avez la chance d'avoir plusieurs pommiers dans votre jardin. Ouais, je me la pète un peu, soyons clairs. C8, l'excellente série Lucifer toute la soirée avec uniquement des inédits. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Funky Mix. Funky Mix. La première émission dance classique. Funky Mix. This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. On Funky Mix. Funky Mix.

Bonsoir à tous. Il aura marqué toute une génération de téléspectateurs et d'auditeurs. Le légendaire animateur de télévision et radio Philippe Gildas est mort. C'est Antoine Decaune qui l'a annoncé à l'AFP. L'ancien présentateur phare de Canal+ s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à Paris des suites d'un cancer. Il avait 82 ans. Et les hommages sont unanimes. Pierre Lescure a loué un homme extra. Tous les souvenirs qui font une vie, on les dira. Pour l'heure, la tristesse, a écrit le cofondateur de Canal+. Antoine Decaune, son compagnon dans l'aventure nulle part ailleurs, et également celui qui a officialisé sa mort, a rendu hommage à Philippe Gildas avec une photo souvenir des années de l'émission culte sur son compte Instagram. Marc-Olivier Fogiel a évoqué un père professionnel pour toute une génération de gens de télé. 10 départements placés en vigilance orange par Météo France, à la neige et au verglas, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l'Aveyron et la Lozère, aux orages, le Var, et aux pluies inondations, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud. L'on reparle de cette marée noire. Une pollution limitée aux hydrocarbures touche les calanques de Marseille. Les composés organiques ont été libérés à la suite de la collision d'un roulier tunisien et d'un porte-conteneur chypriote le 7 octobre au large de la Corse. Des plaques noires d'hydrocarbures repérées ces derniers jours au large de Marseille avaient laissé présager le pire. Finalement, la pollution serait d'ampleur limitée pour l'instant et aucune nouvelle trace n'avait été repérée ce week-end, selon le préfet des Bouches-du-Rhône. À l'étranger, après la fusillade qui a fait 11 morts à Pittsburgh, le maire veut engager le débat sur les armes à feu. Les États-Unis doivent réfléchir aux moyens d'empêcher les auteurs potentiels de crimes racistes de se procurer des armes à feu, a estimé aujourd'hui le maire de Pittsburgh. On termine avec un mot de sport et de football. Suite de la 11e journée de Ligue 1 aujourd'hui, deux rencontres au programme. En ce moment, Bordeaux-Nice et à 21h, le Classico Marseille-Paris-Saint-Germain. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. L'émission numéro 1 sur le funk. Funky Mix. En Normandie, en Picardie et partout dans le monde, si vous nous écoutez par le player espace.fm, je vous le rappelle, Non, non, parce que beaucoup nous disent « Ouais, moi je suis pas dans la région, c'est pas évident, vous passez du funk et pourtant on aimerait bien écouter ça. » Espace.fm, vous nous écoutez donc partout avec ce player, même de votre portable, ou branchez ça en Bluetooth, hein, dans la voiture ou je ne sais où. D'ailleurs, prudence sur les routes de Normandie et Picardie. Je suis avec vous tout en funky, avec Prince, LSD, là c'est Bobby Thurston pour l'année 80. I met my old buddy Jim. I said, hey, man, what's happening? He said, not a thing. I just saw some fine ladies down at the disco. You wanna come along? I said, no, it sounds all right to me. And we took a walk down to the Paradise Garage. And we danced all night long to that driving beat. This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. On s'est arrêté en 81 avec le prince de cette musique funk, Let's Work. Rod, ça va être mixé avec Idriss Sheba. Vous ne connaissez peut-être pas. Restez donc ici Norfen, Arlana, Jermaine Jackson. Mais là, c'est Vaughan Mason. Welcome to the party. Get ready to make your move. Step by step. And a little more step. Uh-huh. Now grab yourself a partner. Right now, you can't wait. 'Cause if you do, you're really gonna, you're gonna miss the fun. 'Cause everybody's dancing to the beat on the one. Can't you feel the message? Stand up. We'll be right back. some fun. You can do it to the groove, or you can do it. Work that body, work that body, join it to the groove. C'est cool, c'est cool. Et c'est dans Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. Funky Mix. Voici les grands mix et en mode funk, Arlana, Jermaine Jackson, Norfen, Edric Sheba et là c'est Rod. Funky Mix. 15 minutes mix, 15 minutes mix de musique funky. We'll be right back. gotta keep my luggage. Je la vis arriver. Nos regards se croisaient, je tous en sorceler. Devenant mon désespoir, elle me dit. Bonsoir. Dans une langue inconnue, elle me répondit tout cru. Des trucs bizarres, un petit peu farfelu, elle me dit. Nous nous sommes enlacés sur le ciel constellé de cette nuit de juillet. Oh ma beauté, vas-tu m'abandonner? Fatigué, mais heureux, je vis pourtant mon heure. Faut lui dire, c'est fâcheux que j'étais plus amoureux. Quand soudain, un moment de temps, regarde capricieux. Elle me lance de ses yeux un coup d'œil malicieux. Oh mon amour, comment lui dire adieu? Elle me dit. Go for more. Some people say that we have to dig inside. Ah! Germaine Espace, c'était Germaine Jackson. Un immense bonheur monte en moi à chaque fois que j'écoute ce son. Final Edition, c'est un inédit funky avec Tom Brown et Barry White pour le classique de 77, Let the Music Play sur Espace. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix Power. One ticket, please. Lord, I wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right there, where I'm gonna stay. Oh.

Baby, get off your butt and jam. Baby, get off your butt and jam. Baby, get off your butt.

Espace numéro 1 sur les classiques funky, Carl Carton. C'est dans un instant qu'on va écouter, si on a le temps, Sheila & Billy Ocean. Les sources sont là que vous entendez des années 90. C'est Cathy Denis. On va se quitter maintenant. Je vous embrasse. C'était Manu. Prenez soin de vous. On se retrouve évidemment pour une émission totale funky. Et c'est peu dire. Ça s'appelle Funky Mix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant c'est dit. Pour les autres, on se retrouve en semaine sur Espace de 9h à 11h durant toute la semaine. Tonight, he puts his life on the line every time he's implied. A man.